Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sans pleurer sans proche. C'est la numérotée 1332. On est toujours très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Galaxy Radio. C'est la première du mois de juillet. Pour ma part, ce sera la dernière puisque je vais revenir à la rentrée. Mais Greg sera toujours au fourneau pour vous faire plaisir. Il a bien commencé cette émission avec une bonne sélection de la semaine. Ouais, je t'ai choisi parce que je sais que t'adores ce groupe. Ouais, ce sont des Espagnols. Et oui, le sommaire de ce soir, Walter, va commencer avec ce groupe Spammerheads, notre sélection de la semaine. Il s'agit plutôt d'un EP, un 6 titres qui est sorti en vinyle collector chez Soil Records. Décidément, ce label défonce tout en ce moment. Et ils sont très très présents dans nos playlists. Et tout ce qu'ils sortent est de très très bonne qualité. Spammerheads, on s'écoute Intravenous. Extrait du EP Disclaimer, et vous avez pu vous rendre compte de l'acharnement EBM que propose le groupe. C'est un duo, un couple je crois, mais je vous en parlerai tout à l'heure avec le deuxième extrait de cette sélection de la semaine. En tout cas, ça a bien défoncé les oreilles pour démarrer cette émission. Une mise en bouche pour ce qui va arriver par la suite et ce qui va vous être présenté durant ces 2 heures. Ailleurs, dans notre sommaire, également un invité ce soir et une exclusivité intergalactique, Walter. Bah oui, c'est notre ami, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un de nos amis, c'est Sébastien Duruet qui va non pas présenter une nouveauté de chez Shiny Darkness, ouais. Il va présenter son nouveau groupe et on est les premiers dans l'univers à le diffuser. Ça, c'est grosse surprise, donc on fera une petite interview, bien sûr, parce que je pense que ça viendra avec Jeff. À l'occasion pour présenter l'album. Là, c'est vraiment. C'est le premier titre qui est fini, qui est sorti, et c'est directement dans les playlists de Sans pleurer sans reproche. Donc, on fait un gros béco à Seb qu'on attend. Je vous propose de reprendre le chemin de cette playlist avec la sélection de lundi dernier. Donc, c'était les Allemands de Funkervogt qui, eux aussi, décidément, évoluent beaucoup au niveau de leur line-up. Mais à chaque fois, les chanteurs qu'ils invitent font un travail formidable et apportent des textes qui sont toujours dans les sujets très, très habituels du groupe, hein, ce sont la destruction, l'apocalypse, les invasions aliens, l'humanité qui va disparaître finalement. Il tire la sonnette d'alarme et je vais en profiter pour l'attirer aussi, cette sonnette. Ultra EBM, bien bien lourdingue. On va s'écouter Sein Soldat, extrait de ce superbe album qui s'appelle Final Construct chez Ripo Records, disponible en simple et aussi en double CD avec des inédits et des remixes. Ensuite, eh bien, on continuera avec une nouveauté toute fraîche. Également un groupe que t'aimes beaucoup, c'est Lucifer's Head, une nouveauté de chez Progress Productions qu'on vient tout juste de recevoir. Et également, dans la même veine musicale, les fans de Skinny Puppy vont se délecter, c'est Fixed Select avec son dernier album, Humanophobia. Hi, I'm Martin Sain from Fix It Sedate, and you're listening to Sampler et son reproche on Galaxy Radio. Has God spoken to you yet? Spoken to you yet? véritable bombardement, une rafale totale de pur électro-industriel. Avec tout d'abord Funkervogt et bien sûr la tangente EBM, très militaire finalement. C'était le titre Zen Soldat, extrait de Final Construct, paru chez Ripple Records il y a quelques temps seulement. L'album est disponible dans multiples formats, même en vinyle, en cassette audio, avec des bonus inédits complémentaires. On remercie d'ailleurs Ripple Records pour l'envoi promo. Ensuite, Lucifer's Head, ça vient tout juste d'arriver, ça s'appelle Take It From Here, un peu plus soft quand même que ce que nous a habitué ce producteur scandinave. Là, c'est un single digital qui vient de paraître chez Progress Productions. On fait partie des premiers à l'avoir reçu, à vous le diffuser. Un album va bientôt paraître, hein, donc Thorny Godberg, le patron du label, est aux aguets, hein, il commence déjà à dévoiler quelques secrets autour de cet album. J'ai très hâte de le découvrir. En tout cas, voici un petit échantillon avec ce single avant-coureur, Take It From Here. Puis Fixed Sedate, notre ami Martin Sain de retour avec un album également disponible en double CD avec bien sûr des bonus habituels et notamment des remixes. On s'écoutait le titre Post-Mortem Apocalypse en version Club Edit, extrait du Humanophobia, complémenté du second CD qui s'appelle Dormicum. Ça vient de paraître chez Dependent Records, je viens recevoir deux promos assez folles, notamment cet album de Fixed Sedate, mais aussi le dernier Hojob, qui est extrêmement surprenant. Maintenant, c'est Walter qui va vous mettre une petite fessée. Eh oui, on va retrouver un duo que tu as déjà passé ici dans l'émission, Greg, c'est Synthpol. C'est un duo de la Roro Gebite qui existe depuis 2001. Leur cinquième album, Interference, note une belle tendance à faire plaisir à tout le monde, car les morceaux sont bien dynamiques. Et surtout bien fichu pour l'ajout de plusieurs nappes et effets qui sont vraiment efficaces. Si vous aimez la synth-pop, l'électro, la techno un peu sombre, alors cet album est fait pour vous. Ils sont toujours en tournée actuellement avec Intent Outtech et ils ont fait quelques dates avec The Invisible Spirit. On s'écoutera le morceau Resistance. Puis on continuera avec une nouveauté de chez Hyman Records, c'est Frank Riggio avec le morceau Superposition et un deuxième extrait de la Sounds for the Matrix volume 24. Your fight. De Saint Paul avec le morceau Resistance de l'album Interférence et ça sort chez Scanner juste après Frank Riggio et le morceau Superposition de l'album Q4, ça sort chez Imen et c'est toujours comme ça l'approche de l'été, Hansen et Imen n'arrêtent pas de sortir des productions comme s'ils devaient se mettre à jour pour la rentrée. En 2020, le sudiste Frank Riggio veut créer une quadrilogie et c'est 4 années plus tard qu'il sort le premier volet, donc Q4. J'avais été très impressionné par son précédent travail que je trouvais formidable. Et je constate qu'avec ce nouvel album, il est toujours aussi efficace dans la façon d'amener ses compositions avec grand talent. Je vous diffuserai un deuxième extrait durant un non-stop. On a terminé avec Comor Commando, le morceau Get Off the Hex, donc du 24e volet de la Sans Forme de Matrix, que Len Lemaire nous a donc donné ici dans les studios de Galaxy Radio. Et c'est vrai que ça fait du bien de passer un petit Comor Commando, Sébastien Comor, qui a fondé ce groupe des cendres de la très bonne formation Icon of Coil. Voilà à toi mon cher Greg. Eh bien écoute, on va poursuivre avec encore de la promo, une séquence avec des productions que j'ai reçues il y a quand même quelques semaines, voire quelques mois, mais bon, c'était indispensable, il fallait vraiment que je vous les passe. Un petit retour sur l'album de Dylan Neal, que vous connaissez, hein, c'est un producteur américain qui a commencé sa carrière dans le black metal et a fondé le projet Thief, où il mélange plein de styles musicaux, ce qui donne vraiment une texture musicale très originale. Et moi, ça m'a tout de suite beaucoup épaté. On retrouve un mélange de dark wave, de trip-hop, de chants grégoriens, de musique de film. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Son premier album m'avait totalement chaviré. Le second album est dans la même veine musicale, même s'il y a des tendances beaucoup plus calmes, beaucoup plus, on va dire, cinématographiques et ambiantes. Néanmoins, je vous ai sélectionné un morceau fantastique qui s'appelle Pissing. L'album, c'est Bleed Memory. Et c'est vraiment un album absolument génial qui aurait pu être une sélection de la semaine. Le label, c'est Prophecy Productions qui nous a envoyé l'album. Et je remercie bien sûr Dylan Neal, puisqu'il est derrière également l'organisation de ce label. On continuera avec une nouvelle sortie du label Soil Records, hein, qui correspond également à notre sélection de la semaine avec Spammerheads. J'avais déjà commencé à vous présenter le EP, également sorti en vinyle. Hein, c'est le même format que pour Spammerhead, en version limitée et des vinyles colorés, tout ça. C'est vraiment super collector pour les fans. C'est Alpha Sect. On va s'écouter un nouvel extrait de Mockup Glow in the Dark. Très très EBM, mais très original. Avec le titre Tella, tout Cosmo. Et on terminera avec un nouvel extrait du Restoring Sanity, l'album remix du dernier Synaptic Defect. Ce sera le titre The Lake of Empathy, remixé par Rotor. Et tout ça, bien sûr, signé chez Electro Aggression Records. C'est parti. Thief, Alpha Sect et Synaptic Defect. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, Sampler et sans reproche. Toute l'actu Electro Indus sur l'île. Hi, this is Dylan from Thief and you're listening to Sampler Sans Reproche on Galaxy Radio. Yeah. l'instant, une super séquence. On a commencé avec un crossover démentiel de la part du producteur américain Thief. On s'est écouté le titre Pissing, extrait de l'album Bleed Memory, que je vous recommande vraiment, paru chez Prophecy Productions. On a enchaîné avec Alpha Sect, une sorte de BM complètement hybride, de la technobody limite industrielle. Il s'agit du projet de George Makkal, qui est en fait un natif de Grèce. Alpha Sect a sorti plusieurs EP sur plusieurs labels, toujours avec cette signature très EBM hybride. Et là, on s'est extrait le titre Telatum Cosmo, extrait de Mockup Glow in the Dark, paru chez Soul Records. Voilà, en tout cas, c'est vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment super sur le site de Soul Records. On en fait pas mal de promos ces derniers temps. Dans Sans pleurer, sans reproche, c'est pas pour rien. Et on a terminé avec un autre label qu'on apprécie beaucoup, un label américain, le label de Nader Moumneh, qui sort le projet Synaptic Defect. On s'écoutait The Lake of Empathy, remixé par Rotor. Rotor qui a été mis en avant par Walter récemment dans nos playlists, la sélection de la semaine. Et donc un remix signé par ce producteur allemand. Ça provient de l'album digital Restoring Sanity. Voilà, une pure merveille dans une atmosphère extrêmement industrielle. Donc j'espère vous en passer encore plein d'autres. Enfin, des Soul Records, j'en ai encore reçu 3. Donc accrochez-vous pour la suite des playlists. On va poursuivre avec la sélection de la semaine. Et j'ai demandé Walter en renfort pour m'épauler, puisque je sais qu'il a déjà présenté ce groupe précédemment, je crois. Oui, il y a quelques mois, effectivement, il nous avait contacté directement avec, je ne sais plus, un EP ou... Je ne sais plus qui les avait orientés vers nous, d'ailleurs. Oh, sans doute d'un copain espagnol, j'imagine. Si, si. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai réussi à me faufiler dans une page promo du label Soul Records. Hein, c'est un autre nom, c'est une plateforme promo qui distribue plein de labels espagnols. Mais le focus sur Soul Records, moi... Me rend vraiment fou de joie. C'est de l'excellente EBM mélangée à toutes les sauces. Hein. Et Spammerhead ne déroge pas à cette règle. Alors Spammerhead, c'est un duo, Ana Escudero et David Garrido. Ils sont de Valence, en Espagne. Et font une électronique body music, on va dire, qui fait beaucoup penser à des choses comme ce que pouvaient faire les artistes belges dans les années 90. On entend du Vomito Negro, du Insect, qu'est-ce qu'on peut encore découvrir? Ben, vous allez voir qu'avec ce titre que je vais vous diffuser après, Right to Fight, et bien tout simplement du front de 4-2 à fond la caisse, qui inspire donc les notes de ce titre vraiment incroyable. D'ailleurs, je vous propose tout simplement de le découvrir, ce titre. Ça provient de Disclaimer, un vinyle EP 6 titres, excellentissime. Vous redirigez vers la page Bandcamp du label Soul Records. Soil, c'est S-O-I-L. Et vous allez rapidement tomber dessus. C'est une excellente étiquette, un super label. Voilà, sélection de la semaine, deuxième extrait, Right to Fight, Spammerhead, dans Sans pleurer, sans reproche. On se retrouve tout à l'heure avec l'agenda et notre invité ce soir, Sébastien Diruet, pour nous dévoiler son nouveau projet. Galaxy. Galaxy. Sélection sans pleurs et sans reproches. iTunes, Deezer, archive.org et sur le replay de galaxyradio.fr. Sans pleurs et sans reproches. Voilà, à l'instant, donc Spammer Heads, le duo avec sa dernière production qui est un EP, 6 titres paru en vinyle, cassette et également en digital. Ça s'appelle Disclaimer, sous le label Soil Records. Et on va s'écouter donc comme second extrait, le titre Right to Fight. J'espère que vous avez apprécié les copains. Bah oui, c'était très bon. Bah, dès que c'est un peu EBM, de toute façon, je sais que toi, c'est une valeur sûre. Je suis sensible. Mais j'ai vu aussi Seb en train de hocher de la tête. Pas plus que ça. C'était le whole body. Voilà, donc c'était notre sélection de la semaine. Avant de passer à notre interview de la semaine, eh bien, on va peut-être passer un petit agenda, Walter, rapidement. Si tu as quelques dates, vas-y. Ouais, écoute, vraiment, en flash, ouais. 3 juillet, c'est l'anniversaire de Ramsey, donc aller au Soul Garden de Calais. C'est 44 balais, ce petit jeune. 8 août, Crash Course in Science avec Ultrasun, Fragment, et une New Wave Classic Party à Lokeren, c'est le Formreux Festen. Le lendemain, 9 août, Crash Course in Science de Jugendneutz à la ruche Verrière de l'Eau de l'Insard, c'est organisé par Vincent de SR Agency. Le 3 septembre, IAMX au Black Lab de Wascal, et c'est pas complet, alors activez-vous. C'est bien de le rappeler. Moi, deux dates, c'est le Festival de Dour qui a lieu du mercredi 17 au dimanche 21 juillet. Comme d'habitude, hein, vous connaissez le festival et la playlist extrêmement variée. Mais le premier jour, ce mercredi 17 juillet, c'est une journée totalement dédiée à l'électro, dans tous les sens du terme. Hein. Il y a tous les styles, avec notamment I Hate Models, hein, qui cartonne un petit peu partout en France, avec Audimel, Byblade, Paula Temple, Céline Gillin, Jersey, Raccoon, Bagarre, et également mes chouchous, les Néerlandais de Babies Berserk. Raccoon, Bagarre, j'adore. Toutes les infos, vous pouvez les trouver sur le site www.dourfestival.eu. Un autre festival aussi qui a beaucoup attiré mon attention, parce que là, il y a une journée qui est exceptionnelle, c'est le festival Lokersfesten, qui va se dérouler du vendredi 2 au dimanche 11 août, donc un gros festival qui va se passer à Lokeren notamment le jour 3, le dimanche 4 août, sur la main stage vous aurez droit à Arbeit Adelt, Front de 4-2, Vive la Fête, The Sisters of Mercy, The Selector, The Damned et The Glimmer Twins. Et il y a une seconde salle qui a ouverte pour l'occasion, c'est le Club Studio Bruxelles, le partenaire du festival, avec Absolute Body Control, Jawobble qui joue son album Metal Box, plus La Muerte et The KVB. Donc une grosse soirée Cold Wave, Post-Punk et EBM. Et là, c'est pareil, hein, si vous désirez avoir toutes les informations, je vous recommande le site www.lokersfesten.be. Si vous n'avez pas su recopier ça rapidement, allez voir nos liens sur nos pages Facebook, par exemple, ou les autres réseaux sociaux. On vous fera passer les informations et les liens. Passons maintenant à la suite de la prog et on va consacrer quelques instants à un de nos amis fidèles qui vient souvent nous rendre visite dans l'émission et toujours avec d'excellentes choses à proposer. On a marqué année après année l'évolution de son projet musical, de son art. Et là, Sébastien Deruet revient pas avec un nouveau Shine Darkness, mais avec un nouveau projet dont il va nous parler tout de suite. Salut Seb, bienvenue. Salut Eric, bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Ouais. Donc alors tu nous as gentiment proposé une exclusivité intergalactique. Oui. Alors bien évidemment, on a sauté sur l'occasion. On adore ça nous. Et du coup voilà, j'aimerais qu'on évoque un petit peu ce nouveau projet dont tu nous as déjà parlé hein, entre parenthèses ouais, il y a quelques mois. Au détour d'une table. On en a et là ça y est, ça se concrétise. un projet sous forme d'un duo. Oui. Avec Jeff Pinkney qui a produit les deux derniers albums, je crois, De Shine Darkness. Non, le dernier. Le dernier. Ouais. Et d'ailleurs, on ressent bien la patte sonore du nouveau projet que je vais te laisser nous faire découvrir. Parle-nous-en de ce cyclone musical. Alors, le groupe s'appelle Cyclone Eye, qui veut dire l'œil du cyclone, ouais. Par rapport à ça, c'est arrivé assez naturellement dans la conversation après notre collaboration sur le dernier album. Bon, il avait déjà travaillé avec Shiny sur Season 4 il y a quelques années. Bon, et musicalement, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est au top de la prod, en fait, qui approche des sonorités qui, en tout cas, moi, me causent. Ouais, ça me parle. Et tu disais, c'est son métier, de toute façon, c'est un sound designer. Donc, Oui, bah, de toute façon, son background cause pour lui. Il a été dans Mesh, il a fait du Tenec, je sais qu'il fait quand même pas mal de musique de pub, de trucs comme ça. Donc, il est dans cette mouvance. Lui, il gagne sa vie un peu avec ça. Et donc, vous avez réussi à finaliser un morceau, ça y est, le premier morceau est sorti des fourneaux de Cyclonize. Bah, parle-nous de ce morceau, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que, d'ailleurs, le travail dans Cyclonize, c'est du 50-50 ou c'est un peu plus? Ça dépend des morceaux. Ça dépend vraiment des morceaux. Alors après, moi, j'ai une tendance à écrire beaucoup. Une fois qu'il y a le sketch, la base, après, Jeff saute là-dessus et puis il nous fait, avec sa petite baguette magique, enfin sa grosse baguette magique. il nous fait ce qu'il sait faire et paf, voilà, on a un truc qui tient la route. Avec son pudding. Oh, avec tout ce qui est anglais, tout son côté anglais, british, qui va bien. Le producteur. Non, je suis assez content. Quand je dis assez content, je prends le côté un peu flegme anglais. Je suis hyper content de travailler. Ouais. Donc ça s'appelle Your Voice Follow Me, c'est ça? Your Voice Follows Me. Un single, on va dire, avant-coureur. Premier morceau qui est donc terminé, hein, totalement mixé, etc. Et tout ça, ça va sortir quand, finalement? C'est la bonne question, en fait. Ouais, vous n'avez pas de date encore. Je pars en Angleterre, là, ce week-end, pour justement déterminer plusieurs choses, puisqu'on a décidé de passer par l'intermédiaire du label de Jeff. Donc, je n'ai pas toute la main pour tout vous annoncer, pour tout vous donner. C'est pour ça que c'est une exclue qu'on vous file. Et bien content de la partager avec vous. Bah, écoute, merci. Après, on verra. On verra, ça tombe, ça sortira dans 10 ans, vous savez, peut-être des élections, je sais pas. On espère rapidement. Et c'est un album, hein, au passage. Oui, ça va être un album. Ouais, c'est un album. Un album, ouais, tout à fait. Ouais. En écoutant ce morceau, évidemment, c'est toi qui travaille au chant. Donc on retrouve du Shine Darkness tout de même. Mais il y a quand même quelque chose de différent, peut-être plus dynamique, plus. Pas plus agressif, hein, mais vraiment rentre dedans quand même. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour tous les morceaux? Ouais, il y a même des morceaux qui vont aller flirter avec de l'EBM. Ah. Mais bon, quand je dis flirter, attention, flirter, hein, tranquillou. Non, on est. Après, Jeff, il a un gros travail sur les rythmiques, les basslines, les trucs comme ça. Donc, forcément, on n'est pas. Et puis, c'était pour faire du shiny, on aurait fait du shiny, puis pas du. Oui. Bon, là, l'intérêt, c'est que même si on a l'impression que c'est moi qui chante, écoutez bien les backings. Il n'y aurait pas une voix féminine derrière? Non, c'est lui. Sans déconner. Non, c'est lui. Il y a une voix. C'est lui. Une voix très douce, en tout cas. Ah ben, il n'y a pas que la voix qui est douce. Il a une peau très, très douce. Et lui, est-ce que lui chante aussi sur certains morceaux? Oui. Là, notamment, on a travaillé le week-end dernier sur un morceau qui s'appelle Expansive Dreams. Et c'est lui qui a le lead. Alors, bon, on est plutôt sur un délire un peu Pet Shop Boys, mais sans le nez qui est coincé. Moi, je trouve que c'est très, très glitter, ce nouveau morceau, et très dynamique. Vous allez voir, ça s'appelle Your Voice Follows Me. Cyclonize, le nouveau projet de Jeff Pickney, et bien sûr de notre ami Sébastien Deruet. Enfin, je vous prévois un avenir radieux. Ça va être une route, je vous imagine déjà en concert, en fait. Ouais, c'est pas mal. Ça va être assez démentiel. Ouais. Ça va te lâcher aussi, parce que je sais que tu aimes les concepts, tout ça, partir des concepts, et je pense qu'il y aura aussi un concept déployé autour de l'album. Ouais, des ventilateurs et tout. Des chaînes. Bah, plein de trucs. Ça va être compliqué de rester en place, que des cyclones partout. Ah, pas mal. Bah, écoute, je sais pas si Walter, tu as quelque chose à. Non, je suis toujours impressionné par l'hyperactivité. Oui, Sébastien. En fait, tu tiens pas en place, en fait. Il paraît. Mais bon, après, tant que tu vis pas avec moi, ça va. Et tu me disais tout à l'heure, oui, j'ai dû demander à Kate si elle voulait bien. Oui, elle m'a dit, vas-y. Que je travaille avec quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'elle est soulagée un petit peu. Mais pas du tout, parce qu'entre temps, j'ai réattaqué sur Shiny sur un autre projet. Pour... Et donc, je lui dis, viens là, j'ai besoin de toi. Alors, je me permets de te dire ça parce qu'on se connaît très très bien. Voilà, c'était juste ma petite. Non, mais t'as raison. Des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Mais Seb, là, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Oui. Il y a un nouveau Shiny Darkness. C'est pas un nouvel album. En fait, ça va être un album live. Ah, très bien. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait déjà pas mal de titres que vous aviez mis sur des EP. Ouais, c'est pour ça. Et donc, le concept va être développé en album. Et c'est vrai que vous avez pas mal d'archives, finalement. Vous avez fait beaucoup de concerts. Alors, il y a pas mal d'archives. Et on a été assez surpris de voir qu'on était capable de vous proposer des versions qui n'étaient pas les mêmes que sur les albums. Souvent, on a travaillé sur des choses qui étaient un peu différentes. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas, quoi. Ouais. Alors, qu'on apprécie ou pas, je sais pas comment tu appelles ta musique de Shiny, l'électropop, la synthpop, etc. Mmh. Franchement, aller voir Shiny Darkness en concert, c'est toujours... C'est un spectacle, en fait, parce que toi, t'es très, très présente, les alcoolites aussi. Et c'est un vrai concert, c'est un vrai show. Non, mais c'est vrai. C'est gentil, parce qu'on prête attention à ça, quoi. Ouais, moi, ce qui me fascine... Et on a fait, je sais pas combien d'heures d'avion pour venir te voir. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Je serais pas venu si je n'aimais pas. Bah, d'ailleurs, vous êtes présent sur les quelques morceaux live qu'on a déjà mis sur les albums de Pop Geisha, les EP de Pop Geisha, et on va reprendre certains morceaux sur le live qui arrive, qui s'appellera d'ailleurs Underground. Et il y a d'autres morceaux où vous êtes dessus, et moi qui vous connais, je vous entends. Eh, tac, t'as vu la paire de news qu'on vient de mettre. Bravo à toi. Ouais, ouais, c'est gentil, merci. T'es un vrai artiste, bravo. Rafale d'exclu dans Sans pleurer sans reproche, bordel. Yo, et en plus on a gagné. Il y a des fans de la Belgique ici, mais on les aime, nous. Les Belges sont nos amis, on les adore. Surtout quand on gagne. Et on aime aussi les hommes magnétiques et rouillés à la fois. Ah oui. Ouais. Kevin est dans les Kevin est avec nous ici, il est venu dire bonjour. Axel est avec nous aussi, voilà, on leur fait un petit clin d'œil. Ils sont avec nous, ils nous regardent. Je vous propose d'écouter ce fameux titre, hein, Cyclone Eye. Ce sera le titre Your Voice Follows Me. On enchaînera avec deux nouveautés que je viens de recevoir il y a quelques jours seulement. C'est le nouvel album de Novosibirsk. C'est le gang de Barnum Produit qui revient avec son label, son sub-label qui s'appelle Production B. L'album s'appelle The Vasarely Project, Excerpts and Experiments. Il s'agit en fait d'une performance d'un artiste qui s'appelle Hervé Izard, qui à travers les peintures a recréé avec, je ne sais pas, un système, les ondes, a créé une musique autour des peintures. En fait, voilà. C'est assez compliqué, c'est enregistré en 1993 en compagnie du gang Barnum Product. Et là, c'est retranscrit sur CD seulement aujourd'hui. On va s'écouter le titre Unfall. C'est vraiment excellentissime. C'est de la minimal wave très rétro, 80s. Et on terminera avec encore quelque chose de très 80s. C'est le nouveau single de Nena, fameuse chanteuse allemande, qui revient avec une version inédite, chantant en français, de Amour Candide. C'est tout ça, il y a un anniversaire de sortie d'album qui se manigance autour de ce single. Je vous en dirai plus dans les prochaines émissions. En tout cas, c'est excellentissime. C'est parti. Cyclone Eye, Novosibirsk et Nena. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça revanche. Touching me. On exclut Intergalactique pour vous dans Sampleur et son reproche et sur Galaxy Radio, le nouveau projet de Sébastien Duruy et de Jeff Pinkney, Cyclone Eye avec Your Voice Follow Me. C'est la première fois que ça passe à la radio. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier cette synth-pop déjantée. Ensuite, Novosibirsk avec Unfall, un des 9 titres issus de l'album The Vasarely Project, qui est une sorte de performance qui a été enregistrée en 1993, donc à la fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Voilà, un petit chef-d'œuvre organisé par le Bornholm Product, et c'est paru sur Production B, le sub-label de Bornholm Product. C'est une nouveauté que je viens de recevoir. Et on a terminé avec Nena et Amour Candide. Hein. Je crois que c'est la version française d'un titre qui est déjà paru au début des années 80, je crois 83 ou 84. Enfin, c'est une version inédite tout de même qui est parue et qui annonce donc une sorte de box d'album anniversaire pour cette artiste allemande qui a vraiment sorti des albums formidables au début des années 80, très très post-punk finalement. Et, voilà, vraiment très très sympa, et je remercie l'agence Eiffelide, et ils ont d'excellents partenariats et nous en font profiter, c'est un véritable régal. Merci à Eugénie. Walter, on va terminer l'émission et t'auras deux séquences, rien que pour toi. Oui, ben, écoutez, on va commencer cette double séquence avec Black Lung. Et c'est une nouvelle incursion faite par David Strussel dans le monde anticapitaliste, conspirationniste et surtout critique à l'égard de l'humanité. Une grande partie jouée de la technologie, tandis que l'autre traîne dans la poussière. Son dernier album qui sort sur Onsen, c'est Brutal Gardener. On s'écoutera le morceau Armageddon. On continuera avec l'allemande Urban Matrix, qui n'en finit plus de bidouiller ses machines et nous propose un nouvel album, Contact. Il le propose gratuitement sur Bandcamp d'ailleurs, et je salue cette initiative. Sa musique est toujours inspirée par les événements guerriers du XXe siècle, et particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Dans ce sens, ça me fait penser à ses compatriotes de Fine Flug. Je constate une nette progression dans la façon de créer sa musique. Et c'est beaucoup moins binaire, et l'ajout de samples plus développé et rend l'écoute encore plus agréable. Puis viendra Marcus Midnight Test de Cold Steel de l'album Nightwork. C'est le premier vrai album pour cet américain de Edmonton. Ce genre de groupe post-punk Cold Wave sort souvent des maxis, mais Marcus Midnight a choisi l'exercice difficile d'un vrai album qu'il propose en autoproduction. Et c'est un pari réussi pour ce jeune américain qui va réussir à se faire une vraie place sur le marché américain et européen. Comme son nom l'indique, ce premier opus évoque le travail de nuit. Celui qui vous rompt les chines, comme dans les mines de charbon par exemple. Je vous le recommande, on s'écoutera donc Taste the Cold Steel. Puis cette double séquence commencera avec Terence Fixmer et le morceau Insynthesis du nouvel album de Terence, The Paradox in Me. Notre héros lillois a fraîchement sorti son nouvel album et je suis super content qu'il ait quitté le côté martelant de certains de ses derniers EP, hein, ou de son dernier album Shifting Signals, qui est sorti il y a 2 ans déjà. Paradox in Me, c'est un gros volume de 12 morceaux, une certaine trame, et ça se termine avec le très très bon morceau Glacier. C'est une nouvelle victoire pour Terence qui signe chez Mute Records. Puis viendra Rhys Fulber, le morceau Driven, du nouvel album du maître canadien Balance of Fear. Il est toujours aussi productif ce Rhys Fulber, et ce que j'adore, c'est qu'il reste dans une qualité indéniable. C'est son 5e album solo et concentré de 8 titres caustiques sur notre société actuelle et ses dérives. C'est vraiment du grand art. Et je suis très content pour ma part de terminer cette saison avec mes chouchous. Je suis ultra fan d'Esplendor Geometrico. Et c'est une nouvelle fois une parfaite composition de ces deux Espagnols que l'album Strepitus Rhythmicus, dont la magie industrielle n'a pas d'égale. Les sons indus sont très durs, mélangés à une rythmique parfaite avec des samples géniaux. Ça vous transporte à des auteurs incroyables. Il n'y a pas de parution digitale, hein, n'allez pas les chercher sur les plateformes de streaming, mis à part Bandcamp. Il y a plusieurs éditions physiques, hein, un coffret, un double CD, un LP, une édition espagnole, une édition japonaise. Bref, c'est le parfait combo du fan inconditionnel. Et en plus, il passe à Barcelone le 26 octobre en compagnie de Portion Control et Dive. Ça sera le morceau Métro Sourd. Et voilà, bah écoute, pour ma part, je vous donne rendez-vous en septembre. ça sera mi-septembre, parce qu'on sera occupé avant. Ouais. On sera à l'extérieur. Passez tous un bel été. Bah écoute, ouais. Continue les émissions, Greg. Vacances. Bah moi, je pense que j'ai encore jusqu'au 15 juillet. La semaine prochaine, je peux déjà annoncer une double sélection. Ce sera les albums de Arbeit Adult et de Michel Morse. Donc un duo de sélection belge. L'un bruxellois et l'autre flamand. Ça va être un décapage pour vos oreilles. Et également en exclusivité, comme ce soir pour Cyclonaï, on aura en exclusivité Intergalactique, une nouvelle fois, le nouvel album de Kalt, le groupe EBM français. Voilà, on est très très heureux d'avoir cette occasion. Et puis des points aussi, des focus sur les deux festivals que dont je vous ai parlé tout à l'heure, le festival de Dour et le Lokkersfesten. Voilà, profitez tous bien. Pour moi, à la rentrée, à bientôt. Allez, ciao. 95.3 ou en podcast sur mixcloud.com. Sans pleurs et sans reproches.